D'Octave Mirbeau, lettre de Machaumière. Machaumière. C'est dans un département lointain, une petite propriété que ne décore aucune boule en verre et où l'œil le mieux exercé ne saurait rencontrer le moindre kiosque japonais, ni le prétentieux bassin de rocaille avec son amour nu en plâtre et son impudique jet d'eau qui retombe. Simple et rustique, elle est située, Machaumière, comme une habitation de garde, à l'orée d'un joli bois de hêtre, et devant elle s'étendent, fermant l'horizon, des champs tout verts, coupés de haies hautes. Une vigne l'encadre joyeusement. Des jasmins, parmi lesquels se mêlent quelques roses grimpantes, tapissent sa façade de briques sombres. Le jardin clos de planches ajourées et moussues, qui en dépend, est si petit que, dans les allées, deux escargots pourraient difficilement ramper coque à coque. Mais que m'importe la pauvreté et l'étroitesse de ce domaine? Ces champs ne sont-ils pas à moi? Et ces bois chanteurs? Et ce ciel que raye continuellement le vol fantaisiste des martinets? Qu'ai-je besoin de demander aux choses d'autres jouissances que celles de leur présence, c'est-à-dire leur beauté et leur parfum? Tout près de là, dans un lit profond et pierreux, un ruisseau roule son eau verdie sous l'épaisse voûte des aunes entrelacées. J'aperçois les toits roses de la ferme voisine à travers les charmes, au tronc difforme et trapu, et les vaches paissent, le mufle enfoui dans l'herbe, et les troupeaux de moutons s'égayent au long de la route, grimpent au talus abruti sous la garde du chien pasteur. Ah, comme vous êtes bien là, en ce petit coin perdu, tout embaumé des odeurs de la terre reverdissante. Plus de lutte avec les hommes, plus de haine, la haine qui broie les cœurs. Rien que l'amour, ce grand amour apaisant qui tombe des nuits tranquilles et que berce comme une maternelle chanson, la chanson du vent dans les arbres. « Pourquoi haïr ? » dit la chanson. « Ne sais-tu donc pas ce que c'est que les hommes ? Quelles douleurs les rongent et les font saigner ? Les riches et les pauvres, le vagabond qui, le ventre affamé, s'est endormi sur la berge de la route, ou le voluptueux qui se vautre repu sous les courtines parfumées. Ne hais personne, pas même le méchant, plains-le, car il ne connaîtra jamais la seule jouissance qui console de vivre, faire le bien. Donc je suis installé dans ma chaumière, mélancolique villégiateur. Pour compagnon, je n'ai qu'un chien, hargneux et crotté, les oiseaux du bois et un vieux paysan, dont j'ignore le nom. Un jour, je vis ce vieux paysan qui rôdait autour de la maison, en coulant vers moi un regard oblique. Il passa. Le lendemain, il revint et recommença son manège. Le troisième jour, il se hasarda à pénétrer dans le clos. « Alors, ça va ? » me dit-il en enlevant de dessus son crâne sa casquette de drap roussi par plus de 20 soleils. « Mais oui, mon brave, répondis-je. Allons, c'est bien, c'est bien. » Il sourit. Il redressa sur le triage une brindille de jasmin qui pendait. « Et comme ça, l'on dit que vous venez de Paris ? » ?»« Mais oui. » « Alors, c'est bien, c'est bien. » Il s'en retourna de son bas gourd et de sa démarche pesante de vieux terrien finissant. Depuis tous les soirs, quand le soleil baisse derrière le coteau, il vient s'asseoir sur le banc, devant ma porte, et tandis que, rêveur, je laisse errer ma pensée à travers la sérénité dolente du couchant, lui, dos de ligne de la tête, sans jamais prononcer une parole.